Histoires vivantes en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer. Les jeunes filles se dévoilèrent, enlevèrent leurs foulards multicolores, dénouèrent leurs chevelures et se mirent à sangloter en se griffant le visage comme une coutume antique en a formé l'instinct lorsque surviennent de grands malheurs. Histoire vivante, une émission de Jean Leclerc. Qui dit jeune dit innovateur. Donc quand un roi est jeune, peut-être qu'on attend de lui son côté innovateur, son côté subversif, qui va faire évoluer les choses. Mais apparemment, jeunesse ou vieillesse, il n'y a pas trop de changement. Du protectorat à l'indépendance, cette semaine, la destinée d'Hassan II, roi du Maroc, naissance et épanouissement d'une démocrature. L'armée est fidèle à son roi et la situation est normale et tous les comploteurs ont été arrêtés. Bonjour. Dernière journée consacrée à celui qui régna sans partage dans ce pays majeur du Maghreb, le deuxième en population tout juste derrière l'Algérie avec une trentaine de millions d'habitants, de loin le préféré des touristes. Hassan II qui régna également sur une situation sociale des plus précaires, qui régna sur un système de santé inefficace, qui régna sur une justice corrompue, qui régna sur une économie stagnante, qui régna enfin sur un enseignement public en ruine. Hassan II, avec une habileté, une rouerie, mais également un art accompli de la manipulation, réussit pendant 38 années à maintenir, comme par ailleurs l'avait fait de son côté le Shah d'Iran, ses prérogatives en assénant aux Occidentaux l'alternative simple. Face d'abord aux menaces d'un socialisme tiers-mondiste émergent, il se présente comme le rempart, puis face à la montée des islamismes radicaux, de nouveau, affirme n'incarner que la seule et unique alternative. Il en aura sans doute fallu des invitations gracieuses et des rencontres avec la presse étrangère, arrangé avec un sens aigu de la mise en scène et de l'hospitalité pour qu'au fond, ces 38 années puissent s'écouler. Bien sûr, le roi a été menacé, attaqué même à deux reprises. Il s'est donc défendu ? Légitime défense, pourquoi pas ? Mais nous allons voir aujourd'hui que les conditions mêmes dans lesquelles certains de ces sujets ont été maintenus placent le commandeur des croyants sur le banc des criminels contre l'humanité. Aujourd'hui, la prison de Tazmamart. Nous commençons tout de suite avec un extrait de l'enquête de Gilles Perrault qui, en 1990, donna lieu à son livre « Notre ami le roi ». Chapitre 1. Les morts vivants de Tazmamart. Tazmamart est dans le Haut Atlas, sur la route de Rish à Gourama. Environ 80 km avant Gourama, peu après avoir traversé un gué, il faut prendre à gauche, une piste montant dans la montagne. Le pénitencier est surplombé par un énorme rocher blanc sur lequel sont peints les mots « Dieu, la patrie, le roi ». Le lieu est classé zone militaire et les sentinelles menacent d'ouvrir le feu sur toute personne tentant d'approcher. Le survol de la région est interdit aux avions. L'hiver glacial y dure 8 mois sur 12. Les cellules oubliettes, elles font 3,90 m de long et 2,40 m de large, avec une hauteur sous plafond de 3,73 m. Dans un coin, des cabinets à la turque dépourvus de chasse d'eau. Une dalle de béton sans paillasse sert de lit. Deux couvertures, en tout et pour tout. Ni table, ni chaise. Un pot en plastique et une assiette sont les seuls ustensiles mis à la disposition du détenu. La principale caractéristique des cellules est qu'elles sont plongées nuit et jour dans l'obscurité. L'air, mais non la lumière, arrive par 17 trous de 10 cm de diamètre percés en haut du mur, donnant sur le couloir hors de portée du prisonnier. Le couloir lui-même reste obscur. Les geôliers n'allument la lumière que le temps de la distribution de la soupe pour voir l'assiette tendue. Un autre trou, lui aussi de 10 cm de diamètre, est percé dans le plafond, mais un second plafond en tôle ondulée fait écran à la lumière. Ainsi, même en été, quand le soleil est à son plus brutal, les emmurés de Tasmamart ne discernent le passage de la nuit au jour qu'à une atténuation presque imperceptible des ténèbres qui les environnent. Le bail de Tasmamart, alors là c'est l'horreur absolue, depuis 1973, soit depuis 17 ans, ces hommes sont détenus dans des cellules qui sont des trous de béton obscurs, pas de lumière, ni artificielle, ni lumière du jour. Ils n'en sortent jamais, ils vivent au milieu des scorpions, des rats, de toute la vermine possible et imaginable. Aucun soin médical, si on est malade, on meurt, et beaucoup sont morts. Et quand ils meurent, on les enterre dans la cour du bagne, sans les rites musulmans, ce qui pour les musulmans est le comble de l'horreur. Donc beaucoup sont morts, et voilà, vous avez en ce moment même, au moment où nous parlons, vous avez à Tasmamart des dizaines de prisonniers qui vivent dans ces conditions ahurissantes, enfin inimaginables, depuis 1973. Personne ne s'est évadé de Tasmamart, mais les familles ont acheté à prix d'or, vraiment à prix d'or, des gardiens, enfin quelques gardiens, et en tout, une dizaine de lettres sont sorties, pas plus, hein, depuis 1973. Et je vous assure que chaque lettre valait plus que son poids d'or, vraiment. Alors c'est comme ça qu'on sait quel est le sort des détenus de Tasmamart, des détenus, des bagnards, des morts vivants de Tasmamart. C'est vraiment l'horreur absolue. « Ma santé est précaire », écrit un prisonnier. « J'ai perdu mes dents. Mon estomac est ébranlé. J'urine plus de 12 fois par jour et l'eczéma me ronge le corps en entier. Sois tranquille, je ne crains nullement la mort. Ce que je demande, c'est qu'elle vienne en douce, dans les normes de l'islam. » Un autre prisonnier écrit encore. « Imagine des momies ambulantes de 45 kilos. » Le visage désolé de cheveux longs et barbe que l'on tond à l'aide d'un bout de zinc aiguisé. Quant aux ongles, on les tranche tant bien que mal par les dents, pour ceux qui ont la chance d'en avoir encore. Ces infortunés chevaliers des supplices sont pour les trois quarts à demi fous, tête lisse pour des chauves de 30 ans. Un camarade qui avait une excellente santé nous informe qu'il saignait abondamment du nez. Plus tard, il nous fit savoir que ses jambes commençaient à ne plus le supporter. Livré à lui-même, il ne pouvait plus venir prendre sa nourriture à la porte et faisait ses besoins dans ses haillons. Les geôliers, se contentant d'ouvrir et de fermer, peu lui importait qu'il mangeât ou non. Le camarade était courageux et nous donnait chaque jour un aperçu de son état. Son moral était bon. La paralysie partielle commença et devint totale. Le délire du camarade nous fit partager avec lui des nuits cauchemardesques. Comme il ne parlait plus, ils vinrent pour l'emballer dans ses couvertures et le sortir. Quelques minutes plus tard, ils le rentrèrent et le posèrent tel quel sur le sol glacé de la geôle. « Nous lui avons fait une piqûre », dirent-ils d'un ton hypocrite. Le lendemain, le camarade rendit son dernier soupir. Ils vinrent masqués, à cause de l'odeur, le sortir dans ses haillons et l'enterrèrent sans rite religieux dans la cour. À l'automne 1982, 19 cadavres étaient ensevelis dans la fosse commune. Au printemps 1990, ils sont 27. Nous retrouvons Gilles Perrault, invité de Patrick Ferlat en 1990 à la sortie de son livre « Notre ami le roi ». C'est un livre qui embarrasse les Français aujourd'hui. Enfin, qui embarrasse quelques Français, ceux qui avaient coutume de dire, qu'ils soient d'ailleurs de gauche ou de droite, parce que la gauche et la droite ont la même attitude en l'occurrence, qui avaient coutume de dire « Notre ami le roi ». Alors effectivement, un livre qui raconte ce qu'est en réalité cet ami le roi, ça les met dans une position embarrassante. Vous avez beaucoup de monde qui profitait de la généreuse hospité royale, selon l'expression consacrée. Quand on disait notre ami le roi, on pouvait aller à la Mamounia, faire des séjours dans ce magnifique hôtel, l'un des plus beaux du monde. On avait beaucoup d'avantages. Donc, je vous dis, c'est la même histoire que le Shah d'Iran. Là-bas aussi, on était reçus vraiment grandiosement et une grande partie de l'intelligentsia française, je ne parle pas des journalistes, des hommes politiques, se précipitaient. Bon, bah là, c'est la même chose. Et donc, il y a un certain embarras quand, encore une fois, la face véritable du régime apparaît. Bien sûr, mais ça n'est pas possible de laisser continuer cette espèce de tolérance immonde vis-à-vis de violations des droits de l'homme. Un homme qui se conduit comme le roi Hassan vis-à-vis de ceux qu'il considère comme ses adversaires ne peut pas être l'ami d'hommes politiques français si ceux-ci ont pour dessous de morale. Hassan II a dit un jour « Le comble du bonheur, pour moi, c'est de pouvoir tous les matins me regarder dans la glace, quand je me rase, et de ne pas me traiter un matin de salaud. » Voilà le comble du bonheur. Quand il livra cette confidence, les emmurés de Tazmamart souffraient depuis 16 ans déjà. C'est peut-être qu'il ne songe pas à eux le matin, devant son miroir, mais le soir, lors de ses heures de détente qu'il affectionne et prolonge au cœur de la nuit, dans la profusion luxueuse de ses palais, entouré de ses bouffons et de ses putains, l'image de Tazmamart vient-elle mettre dans son plaisir le délicieux piment du contraste absolu? La pensée des morts vivants le fait-elle mieux jouir? Ou bien est-ce simplement système de gouvernement, exercice raisonné de la terreur? Sa police n'ignore pas que des lettres sont sorties du bagne. Le Maroc tout entier sait l'existence de Tazmamart. Rien n'est changé pour autant au régime des suppliciés. Cela se sait aussi. Cette arrogance dans le crime est pédagogique. Chaque Marocain doit comprendre qu'il peut être pris par mégarde dans une affaire dangereuse. La peur irrationnelle qui en résulte porte à une soumission aussi absolue que l'est le pouvoir. Les frontistes, partis en chantant subir 15 ou 20 ans de prison pour avoir distribué des tracts, lorsqu'ils apprendront le sort des morts vivants, quelque chose se brisera en eux. Cela, ils ne se sentaient pas la force de l'affronter. Le soleil noir de Tazmamart ne peut se regarder en face. On ne peut pas parler de musique marocaine sans évoquer Nas El Riwan, mené par Larbi Batma, mort d'un cancer en 97. Ce groupe d'intellectuels, formé au milieu des années 60, transportait tous les espoirs d'une jeunesse sans repères. Souvent censuré, cet ensemble jouissait d'une grande popularité. Nas El Riwan interprète « Wana di Anna », en français « J'appelle ». المحال من المحال قلبي باش انسى من المحال من المحال قلبي باش انسى يا كا قلبي يجي تغيب يا كقلبي من بلاد بعيدة يا كقلبي جيت غريب يا كقلبي من بلاد بعيدة ويا ليعد قلبي يا بكاه ويا حصته ويا لعد قلبي يا دموعه وعلى غربته ريح وسحاب غشات والغيم ظلام عليا والحباب قاع قفات قيت فريد والعمد عليا من المحال من المحال قلبي باش نسى magique. En publiant en 1990 Notre ami le roi, Gilles Perrault ouvre grand une brèche mettant à jour les pratiques inhumaines conduites dans les prisons marocaines sous le règne d'Hassan II. À l'époque, Abraham Serfati fait partie de ces hommes honnis par le roi. Il est même depuis Ben Barka le principal opposant au régime à l'époque, car depuis Abraham Serfati a fait un spectaculaire retour sur la scène politique intérieure. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Pour l'instant, nous sommes en 1990. Gilles Perrault est au téléphone avec Christiane Serfati, la femme de l'opposant marocain. Allô ? Allô, Christiane Serfati ? Bonjour, c'est Gilles Perrault. Je suis l'invité de la radio suisse romande et j'ai le privilège d'appeler quelqu'un pour lui souhaiter une bonne journée. Alors j'ai pensé à vous. Je pense qu'il faut que vous disiez aux auditeurs qui est Abraham Serfati. Abraham Serfati, c'est un homme qui a 64 ans aujourd'hui et qui a commencé à s'engager et à militer sous le protectorat français à 18 ans. Ça fait longtemps donc. Qui a été arrêté 5 fois dans sa vie, je crois 2 sous le protectorat par les autorités françaises, qui a été exilé de son pays par les autorités françaises, et puis qui, aujourd'hui, est en prison, à la prison centrale de Kénitra, avec ses camarades, bien sûr, et ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans. Oui. Vous l'avez connu entre 2 arrestations, et je crois que vous allez le voir régulièrement en prison. Oui, il y a 2 questions. Là, oui, c'est vrai, je l'ai connu entre 2 arrestations, exactement. Et je vais le voir en prison environ tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Ça, c'est mon choix. Oui. Vous êtes marié en prison ? Oui, oui. C'était à quel moment ? C'était en novembre 86. Grâce à l'intervention de Daniel Mitterrand. Et c'est ce qui vous permet de lui rendre ses visites. Mais oui, puisque les visites sont réservées aux familles. C'est cela. Il ne pouvait pas créer d'autres liens. Il est donc en prison depuis maintenant Ça fera exactement 16 ans, le 14 novembre. Il est donc le plus ancien prisonnier politique d'Afrique depuis la libération de Nelson Mandela. Je dirais le plus ancien prisonnier d'opinion, en tout cas. D'opinion, oui, c'est cela, oui. Parce que, c'est ce que dit Amnesty International, qu'il a adopté dès le procès de 77, je crois. C'est ça, oui. Et comment est-il ? Quel est son moral ? Ça, c'est... Je crois que c'est un homme inébranlable, vraiment. Ceci dit, c'est un homme qui, je trouve, a quand même physiquement les traces de temps de prison. Par exemple, le fait d'avoir été maintenu immobile pendant 15 mois dans un centre secret de détention. Un centre de torture, il faut dire oui, les choses. Un centre de torture, mais je veux dire un centre clandestin. Un centre clandestin, oui. Auquel personne ne peut avoir accès. Bon. Puis, 2 ans à l'isolement à Casablanca, dans une cellule d'où il devait sortir 10 minutes par jour, font qu'il a une jambe qui n'a plus de force du tout, qui est comme démusclé. Et donc, il ne peut marcher qu'avec une quinte, par exemple. Oui. Oui. Mais malgré tout, intellectuellement et psychiquement, si je puis dire, il reste un roc. Absolument. Oui. Oui. Mais où ces hommes trouvent-ils le courage de tenir si longtemps? On lui a pris, là, donc, 16 ans, 17 ans de sa vie, enfin. C'est... Oui. Où trouvent-ils le courage? On a évoqué un certain nombre de cas. On a l'impression, je ne sais pas, qu'à leur place, on craquerait, enfin, on démissionnerait. Et là, on trouve, au contraire, des hommes qui tiennent, qui se revendiquent dans leur dignité. C'est tout de même là extraordinaire, non? Il y a de la ressource dans l'homme, finalement. Beaucoup, oui. Ça, c'est vrai. Oui. Et vous, lors de ces visites, comment ça se passe, ces visites, tous les deux mois? Ça se passe très bien. Je veux dire que les conditions qu'ils ont, je crois, conquises par des grèves de la faim, par des luttes, bien sûr, sont très bonnes. Même... Ça n'est pas Tazma Marthe dont nous parlions tout à l'heure. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Les familles peuvent rentrer dans une sorte de couloir... Mais bien. Et vous, est-ce qu'on vous laisse tranquille quand vous allez au Maroc? Ah, ça c'est une autre affaire. Oui. Je veux dire, je crois que la police ne m'aime pas beaucoup. Oui. Ils m'avaient expulsée, je suis revenue. À la limite, je les comprends. Oui. Dans leur rôle. Oui. Donc je suis suivie par roue à roue. Ah oui. Oui. À une surveillance constante. Ah oui, oui. Oui. Et puis des petites tracasseries. Oui. Comme cette histoire de sac, par exemple. Depuis un an, ils avaient inventé de sauter sur moi, si je peux dire, à 2, 3, 4 inspecteurs dans la rue, 4 fois par jour, ça fait beaucoup, pour fouiller mon sac. Oui. Ce qui est considéré comme humiliant au Maroc. Oui. Et bon, quand j'ai senti que... Enfin, quand j'ai voulu opposer un non, j'en ai assez, je peux plus, j'ai supprimé mon sac. Oui. Des choses comme ça. Ils m'ont confisqué tous mes livres. Oui. Y compris, je me souviens, un livre de vous. Ah bon? Un roman policier. Allons, bon, c'était pourtant pas dangereux. C'était moins dangereux que notre ami Leroy. Non, écoutez, bien sûr. Écoutez, Christine Serfati, je vous souhaite une bonne journée. Je souhaite surtout que l'avenir, le plus proche avenir possible, vous apporte à vous et à Abraham le plus grand des bienfaits, c'est-à-dire la liberté. Et puis, je vous souhaite bon courage. Voilà. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Un an après la parution du livre de Gilles Perrault, les portes du bagne de Tazma Marthe s'ouvrent enfin. Et avec la sortie des premiers prisonniers, un espoir se lève. 7 août 1973 à 7 août 1991, voilà 18 ans que plusieurs dizaines de militaires sont détenus au Maroc dans le camp de Tazma Marthe dans des conditions inhumaines et dégradantes. Ils avaient été condamnés à des peines allant de 3 à 20 ans d'emprisonnement pour leur participation supposée à des tentatives de coup d'État contre le roi Hassan II. Amnesty International demande aujourd'hui aux souverains marocains la libération de ces prisonniers abandonnés, dont certains n'ont pas été libérés, bien qu'ils aient fini de purger leur peine. Grâce à des témoignages recueillis par des membres du service de presse de la section française d'Amnesty, on peut se faire une idée de l'atrocité de ces détentions et de l'angoisse des familles. Alors tout de suite, un premier témoignage, celui du frère de 2 détenus, dont l'un est déjà mort en prison. Alors, depuis combien de temps est-ce que vous n'avez pas eu de nouvelles de votre frère? Depuis le mois d'août... de l'année 1973. Et vous avez eu des informations par d'autres personnes peut-être? Par la rumeur, comme toujours. Et jamais une lettre de lui n'a réussi à passer à travers les mailles du filet, a réussi à vous parvenir? Non, jamais. Jamais, on n'a jamais rien reçu. Vous avez essayé de faire quelque chose? Vous avez essayé de faire pression pour le faire libérer? Ou au moins pour avoir des nouvelles? Moi, j'ai écrit à peu près... J'ai contacté 17 ambassades occidentales pour les informer. J'ai même écrit au président Reagan. La lettre a été reçue. Pour vous, il y a une volonté délibérée de faire en sorte que ces gens soient complètement oubliés, qu'ils n'existent plus? C'est certain. On ne peut pas l'expliquer autrement.